mise à jour de son fichier client, la régie des eaux a entrepris en collaboration avec Liste des Boues un recensement de tous les points de livraison eau et électricité. Régie des eaux demande à tout abonné de faciliter aux agents de Liste des Boues l'accès aux équipements de comptage eau et électricité et de leur fournir toutes les informations utiles. Mireille Kanyang. Nous sommes jeudi 5 mars. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à l'écoute de cette édition. En voici les grandes articulations. Le parti Sahwania Frodebois déposait ce jeudi son dossier de candidature au fauteuil présidentiel. Le parti Frodebois Nyakuri de son côté renonce à ce fauteuil présidentiel. Cri d'alarme des habitants du quartier Kinyinya en zone Rukaramu, c'est en commune Mutimbuzi suite aux inondations causées par la rivière Manda. Et en commune Rutovu dans la province Bururi, d'intenses pluies mêlées de grêle et de vent ont ravagé cette nuit des champs de culture, blessant une personne et quatre vaches mortes. Dans cette édition, vous aurez également la rubrique Parlons Femmes à l'honneur, les femmes de la commune Bukemba en province Rutana pour parler élections. La mise en onde est assurée par Alphonse Kubgimana à la réalisation de ce journal. Francine Diokubgayo. Rebonjour. Page justice transitionnelle pour débuter cette édition. Lancement officiel ce jeudi des travaux d'exhumation des restes humains trouvés dans quatre fosses communes à Machitsi, en commune Guiheta de la province Gitega, par la commission Vérité et Réconciliation. Pierre Clavier Ndeichali est président de cette commission, fait savoir que ces fosses ont été creusées par des machines et ont une forme de tranchée. Suivez-le au micro de Fidèle d'Antoine Sabiman. Contrairement à celles trouvées sur le site de la Ruvubu à Chombo, à Karoussi, il semblerait qu'ici, il s'agit plutôt des tranchées longues où des camions venaient jeter des personnes. Et lorsque le nombre suffisant était atteint, on commençait à mettre la première motte de terre. Et la boue sortie de la tranchée servait en priorité à remplir les fosses communes. Nous sommes donc ici pour lancer ce chantier de Machitsi, comme nous l'avons fait de manière solennelle sur le site de la Ruvubu à Karoussi. Nous souhaitons que vous soyez les témoins de cette vérité, parce que pour guérir des blessures du passé, il faut regarder la réalité en face. La mission principale de la CVR, c'est la vérité au service de la réconciliation. La CVR n'est pas la justice. Comme le dit la loi de novembre 2018, la CVR a des missions précises décrites dans l'article 6 de la loi. Nous sommes donc ici et nous serons ailleurs pour essayer, avec l'appui de la population, avec l'appui des témoins, de connaître les personnes assassinées ou disparues. C'est l'article 6. Les personnes qui ont sauvé les autres, c'est l'article 6. Les personnes qui ont déjà demandé le pardon ou accordé le pardon, c'est l'article 6. Le rôle de la puissance coloniale ou colonisatrice dans les tragédies que le Burundi a vécues. Et enfin, dans l'article 6, on nous demande d'identifier et de cartographier les fosses communes éparpillées à travers le pays. Pierre Claver Ndeichali est président de la commission Vérité et Réconciliation CVR. Je vous l'avais annoncé en titre, les habitants du quartier Kinyinya 3 de la zone Rukaramu se disent inquiets des inondations répétitives causées par la rivière Manda. Certains victimes de ces inondations qui occupent toujours leur maison indiquent qu'ils n'ont nulle part où aller, disant que d'autres ont déjà déménagé. Ils demandent la canalisation de cette rivière Manda. Le chef de zone Rukaramu, quant à lui, dit avoir transmis la question à ses supérieurs. Le point avec Yvette Nijimbele. Ce sont des habitants du quartier Kinyinya de la zone de Rukaramu qui sont désespérés suite aux eaux de la rivière Manda qui ont débordé envahissant leur maison. Ces habitants soulignent que certains ont déjà vidé le lieu. Cette femme rencontrée sur les lieux indique que tout est perdu pour elle. Je reste dans ma maison car je n'ai nulle part où aller, souligne-t-elle. Je suis venue m'asseoir ici parce que ma maison est pleine d'eau. Il nous reste une petite espace pour dormir. L'espace devant nos maisons est boueuse et plein d'eau. Nous venons ici pour se bronzer au soleil. Nous avons même des mycoses de pied. Nous implorons le bon Dieu à chaque fois que nous rentrons pour dormir. Célela est venue chercher ses enfants qui viennent de l'école. Elle indique qu'elle ne peut pas rester à la maison, sachant que ses enfants peuvent se noyer dans les eaux qui surplombent les ménages. Pour arriver dans nos maisons, nous traversons ces eaux. Nous faisons des tours pour transporter nos enfants. Il y a des petits enfants qui ne peuvent pas passer dans ces eaux de peur qu'ils se noient. Cet homme témoigne qu'il reste seul dans sa maison de peur que ses biens lui soient volés. Mes chèvres, poules, canards ont été déplacés vers notre endroit. Moi seul, je reste ici. Ma femme et mes enfants ont aussi quitté les lieux. De peur que mes portes soient volées, moi je reste dans la maison. Signalant que certains ont construit des ponts faits de bois pour entrer dans leur maison. Ils demandent à tous d'être assistés et que la rivière Manda soit canalisée. Quittons la commune Mutimbuzi en province Bujumbura pour nous rendre en commune Rutovu de la province Bururi, c'est au sud du Burundi, où ont blessé 4 vaches mortes, plusieurs champs de haricots, de petits pois, de patates douces et de bananiers. Bien d'autres cultures sont dont certaines venaient à peine de pousser. Tel est le bilan d'intenses pluies mêlées de grêle et de vents violents tombés dans les communes de Mugamba et Rutovu. Dans cette province de Bururi, le soir de ce mercredi, les victimes de ces intempéries demandent d'être assistées. Une correspondance signée Jean-Pierre Misago. À la place des champs de pommes de terre, de patates douces, colocases, petits pois, haricots volubiles, théiers, et cela sur environ 80 hectares sur la colline Rukere et une partie de la colline Choma, en zone Muramba de la commune Mugamba, il ne reste plus que des tiges, témoins de l'existence de ces cultures avant la tombée des pluies torrentielles, mêlées de vents violents et de la grêle, le soir de ce mercredi, selon Cyprien Nibona, chef de zone Muramba. Selon cet administratif, deux maisons des vulnérables à Rukere ont été également démolies à côté des plantes fourragères réduites en morceaux. Toutes ces victimes de ces intempéries désespèrent. Le désespoir, c'est également chez les habitants des zones Chondi et Muzenga de la commune Rutovu qui ont vu une personne blessée et deux vaches mortes foudroyées, des champs de bananiers, jeunes haricots et patates douces anéantis par une pluie exceptionnellement mêlée de vent et de grêle de ce mercredi soir, selon Jean Daitoyeko, administrateur communal de Rutovu. Les victimes de ces intempéries et les autorités administratives appellent à l'aide, surtout en semences de haricots, surtout nains, dont la période de semis n'a pas encore expiré. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanga. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h04 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition par cette page politique. Léon Sengendakoumana, candidat au présidentiel pour le compte du parti Sahwanya Frodebu, appelle à la tolérance politique en ce moment où le Burundi achemine vers les élections générales. Il a dit ce jeudi, lorsqu'il venait de déposer son dossier de candidature à la Commission électorale nationale indépendante. Suivez. À la population burundaise et à la jeunesse burundaise, nous avons s'impliquer dans la préparation, dans l'organisation et dans la gestion des résultats de ces élections sereinement. Il n'y aura pas de miracle. Nous savons qu'il n'y aura pas de miracle. Il faut que chacun s'implique pour contribuer à ce que au moins les résultats qui vont sortir de ces élections contribuent à redorer l'image du Burundi, contribuent effectivement à faire avancer une nouvelle génération politique. Il faut qu'il y ait l'émergence d'une nouvelle génération politique dans ce pays parce que nous, qui avons vécu tout ce passé, tout le point du passé, pèse sur nous. pèse sur nos épaules et nous freine. C'est un obstacle. Il faut quand même permettre l'émergence et la promotion d'une nouvelle génération politique pour prendre la relève après nous, que ce soit au niveau des partis politiques et que ce soit au niveau des institutions. Il faut qu'il y ait une nouvelle génération qui ne soit pas bloquée comme nous par le passé. Voilà ce que nous demandons à la jeunesse, c'est de contribuer à ce qu'il y ait une lutte absolue contre le chômage. Puisque si les jeunes continuent à croupir dans ce chômage que nous voyons aujourd'hui et que la jeunesse constitue à peu près 60% de la population burundaise, c'est un danger pour la nation. Il faut que ce chômage soit éradiqué et la jeunesse doit s'impliquer davantage pour que cela soit possible. Léonce Ngendakoumana, c'est le candidat au fauteuil présidentiel pour le compte du parti Sawanya Frodebu. Et le parti Sawanya Frodebu Nyakuri se retire des élections présidentielles de mai prochain. L'annonce est du président de ce parti, Kefani Wizi, ce jeudi lors d'une conférence de presse. Il a expliqué que sa formation politique se prépare aux législatives. Parlons femmes. Des femmes de la colline Gihofi en commune Bukemba de la province Rutana affirment être prêtes pour participer aux prochaines élections et elles expliquent qu'elles ont gardé la carte d'électeur pour avoir le droit d'élire. Ces femmes signalent que la participation aux élections permet de choisir son dirigeant. Quant à la coordinatrice de l'association des femmes rapatriées du Burundi à Frabourg, elle indique que ces femmes doivent se faire élire au lieu de se limiter au droit d'élire. Les détails avec Vestine Utoi. Ces femmes de la colline Gihofi, commune Bukemba en province de Rutana, disent qu'elles ont gardé jalousement leur carte d'électeur pour pouvoir participer aux prochaines élections. Consolate Bitegeyeko est l'une d'entre elles. J'ai conservé ma carte d'électeur dans un endroit sûr et souvent je vérifie si ma carte est en bon état. Heureusement qu'elle est bien protégée. Grâce à cette carte, on a le droit d'élire soi-même son dirigeant, explique-t-elle. La raison pour laquelle je garde jalousement cette carte d'électeur, c'est parce que je suis consciente que ça sera une perte pour moi si une fois je ne participais pas aux élections de nos futurs dirigeants. Jean-Marie Sindabakui, la riverain de la colline Gihofi, indique que la participation massive des femmes aux élections prouve leur émancipation. Nous l'apprécions positivement car c'est le synonyme du développement de notre pays. Étant donné qu'actuellement les femmes ont une liberté de faire ce qu'elles veulent sans contrainte. Selon Marie Concessa Barubike, coordinatrice au sein de l'association des femmes rapatriées du Burundi à Frabourg en sigle, les femmes burundaises ne devraient pas se limiter aux préparatifs d'élire les nouveaux dirigeants du pays, car elles aussi ont droit de se faire élire pour occuper les différents postes. Les femmes burundaises sont en train de se préparer pour élire, mais on ne voit pas vraiment comment les femmes sont en train de se préparer pour se faire élire. Je voudrais lancer un appel aux femmes burundaises pour se faire élire en tant que chef collinaire au niveau des conseils communaux, mais aussi au niveau du Parlement. Marie Concessa Barubike appelle ces femmes burundaises à la consolidation de la paix et de la sécurité pendant la période électorale en prévenant et en résolvant des éventuels conflits. Une brève internationale avant de clore cette édition. Le président Uhuru Kenyatta a réuni hier mercredi son Conseil national de sécurité en session extraordinaire après des affrontements lundi entre l'armée somalienne et celle de l'État fédéral somalien de Jubaland. Ces violences se sont déroulées juste à la frontière avec le Kenya où le gouvernement kenyan a accusé Mogadiscio d'avoir violé l'intégrité et la souveraineté de son territoire. Une information que nous avons tiré du site de la Radio France Internationale. Voilà, 13h10 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition de la mi-journée de ce jeudi 5 mars, mais je vous en rappelle les grands titres. Le candidat au fauteuil présidentiel pour le compte du parti Sawanya Frodebu a déposé ce jeudi à son dossier de candidature. Mais de son côté, le parti Sawanya Frodebu Nyakuri renonce à ce fauteuil présidentiel. Cri d'alarme des habitants du quartier Kinyinya 3, c'est en zone Lukaramu de la commune Mutimbuzi en province de Bujumbura, suite aux inondations causées par la rivière Manda. et en commune Rutovu en province Bururi, d'intenses pluies mêlées de grêle et de vent ont ravagé cette nuit des champs de culture, blessant une personne et quatre vaches mortes. En page justice transitionnelle, nous vous avons parlé du lancement officiel ce jeudi des travaux d'exhumation des restes humains trouvés dans quatre fosses communes à Machiti, en commune Guiheta de la province Gitega, des travaux effectués par la commission Vérité et Réconciliation. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Alphonse Koubguimane qui a assuré la mise en onde. Francine Ndehokubgayo était à la réalisation de cette édition. Un très bon après-midi. À tous et à tous. Au revoir. Mireille Kanyangi.